On va pas se faire serrer. On se répétait toujours ça, nos ennemis seront tous enterrés. Le temps nous manque mon ami, faut qu'on reprenne la tessie. Mais je suis toujours indécis, les paroles des Boucaves sont bien précises. Et tout était mis en scène pour bien nous influencer. Y'avait que moi et mon assos, on partage la même assiette depuis gosse. Il paraît qu'on prend des risques, tu parais qu'on prend nos love. On parlait de reprendre des villes avant que notre amitié ne pire. À 8 ans ils nous ont violés, depuis on recherche que des violets. Les moyens de l'acquérir sont violents, anciens dealers, futurs millionnaires. Ah ils ont des yeux, pour nous jalouses et frères. Et quand on fait la guerre, je les vois, ils sont pas déçus. Les yeux vers le ciel, assiste-moi mon frère, je suis avide sur la confiance. Non, ne sois pas étonné, j'ai appris à marcher sans elle. Elle plaît pas à mon revolver. Je lève mes yeux vers le ciel. On va finir mal, on va finir mal. Je veux pas finir seul, tu me connais. On va finir mal, on va finir mal. Je veux pas finir seul, tu me connais. On a le matos pour les monter. Les bastos sont les dévies, pas. Dans ma tristesse, c'est de la beauté. Et je sais plus ce que je dois penser. Sur quel pied je dois danser. On est tout seul, y'a plus d'anciens. On est conscient qu'on est coincé. Pour nous soigner, j'ai de la peur. Attends mon ref, on va prendre une bouteille. Vas-y, reste avec moi, non, ne rentre pas. On va parler de nos meufs, on va parler de nos rêves. On va parler de ma homme, on s'entend pas. Pourquoi tu vas t'isoler? Il est trop tard, désolé. À cause de toi, je suis solo, mais je suis serein. Les yeux vers le ciel. Assiste-moi mon frère, je suis avide sur la confiance. Non, ne sois pas étonné. J'ai appris à marcher sans elle. Elle plaît pas à mon revolver. Je lève mes yeux vers le ciel. On va finir mal, on va finir mal. Je veux pas finir seul, tu me connais. On va finir mal, on va finir mal. Je veux pas finir seul, tu me connais.